Je vois le temps qui fuse. À la recherche d'un juste milieu dans ce monde centrifuge. Bill Bock, Master, l'exhaleur. À présent, elle aurait pu te sauver la vie en 55. Hommage à Jeanne Rombeau, à sa famille. Se sacrifier pour sortir ses proches des flammes de l'enfer. Ou vouloir en finir à se demander comment l'homme faire. L'homme qui avait le soleil dans sa poche et dans ma peau. Je m'accroche à la biographie de Julien Lahaut, la voix du peuple. Ou le relief de ce plat pays où je manie la langue de Molière comme ce n'est pas permis. Les époux de la faucille, les hôtes de la folie. Je ne vous quitterai pas sur des fausses notes de mélancolie. Et t'as beau dire toi que la peine de mort est abolie, je crois pas que ça les gêne de modifier les métabolismes. Voyant que petit Jean-Marie qui remplit ta liste d'amis, t'es pas à l'abri d'une bonne dose de digitalisme. Et ouais, nos têtes sont mises à prix et le monde se digitalise. Mais toi ne t'incline pas face à mes écrits en italique. Entre la droite qui fauche et la gauche maladroite, combien investiront dans la balle qui viendra les abattre. Et pour quelques patates, on peut te péter les arcades. On avance pas à pas là où chacun veut sa part. Et l'atmosphère est glauque, le rap est mon alter ego. Et toi aussi si tu peux affirmer qu'Alex est réglo. Je m'infiltre dans les réseaux défendant nos intérêts. J'élabore mes désaccords dans mon labo les poings serrés. Et allez-y hein, mettez-moi des bâtons dans les roues. Où va-t-on? Si tu le sais, ben je serai au rendez-vous. Et tout ne tourne pas autour de la vie de l'exhaleur. Et ouais, mon évasion a le visage de Patrick Hammer. Et il y a tout qui se démantibule. Je vois le temps qui fuse à la recherche. Un juste milieu dans ce monde centrifuge. Un angle plat mais j'ai perdu de l'amplitude. Et le renvoi est sans issue mais je n'en suis pas si sûr. Tout qui se démantibule, je vois le temps qui fuse. À la recherche d'un juste milieu dans ce monde centrifuge. Un angle plat mais j'ai perdu de l'amplitude. Et le renvoi est sans issue mais je n'en suis pas si sûr. Pourquoi le bras de l'être humain se base sur l'égocentrique? Certains s'extasient sur eux-mêmes, une trique remarque leur nombril. Une trique dans le vent, certainement pas. Si le peuple se barre avec, on garde tout toujours pour soi. Aider les autres, un pur calvaire. Le narcissisme sociétaire à base de mode bouffe nos frères. Avoir l'air imberbe, combien se rase ou s'épile au laser. Le miroir ne donne que le reflet externe de ta personne. Bonhomme, ton âme t'apporte peu bilan. Attends à l'intérêt d'une pomme. Puis on plonge pas à la vision des carriéristes. Pour grimper les échelons, n'hésite pas à pousser leurs collègues dans la piste. La piste est longue, la montée douloureuse. Le fossé pécunier se creuse. Son père de femme irrespectable finira dans la meuse. On parle de transport en commun, peu peuvent les payer. Le gouvernement se plaint, cyclé au grade et SNCB. À l'heure actuelle, mieux vaut frauder que prendre un abonnement. Mon grand, le prix de leur amende pour le portefeuille en est moins cinglant. 89, mai 68, on y arrive. Observe le monde, les émeutes du sud de l'Afrique. Je reste contre les violences, même si certaines sont ciblées. Ne me prends pas pour Dieu comme bouge. On en la guerre pour la paix. C'est ensemble qu'on avance, la goutte ne fait pas déborder le vase. On le brisera comme un soisson, prouvant que nous ne sommes pas esclaves. Tous nés sous la même étoile, ça c'est un fait. Pas le même ciel comme paysage, combattant de l'égalité. Il y a tout qui se démantibule, je vois le temps qui fuse. À la recherche d'un juste milieu dans ce monde centrifuge. Un angle plat, mais j'ai perdu de l'amplitude. Et ouais, ma voix est sans issue, mais je n'en suis pas si sûr. Tout qui se démantibule, je vois le temps qui fuse. À la recherche d'un juste milieu dans ce monde centrifuge. Un angle plat mais j'ai perdu de l'amplitude. Et ouais, ma voix est sans issue mais je n'en suis pas si sûr. Ouais, laboratoire. Et y'a pas que nous que le monde pousse à devenir taciturne. Ma voix est sans issue mais je n'en suis pas si sûr.